Exercice 5. A. Lit, tapis, rideau, mur. B. Grenier, cave, placard, armoire. C. Fenêtre, chaise, fauteuil, bibliothèque. D. Clé, lessive, coiffeuse, évier. E. Radiateur, réveil, ordinateur, réfrigérateur.